des mots, faire suer le dico au travers de mon micro, faire chanter ma vie comme la plus belle des divas, éclaire sa destinée et la suivre pas à pas. Je veux plus d'envie, aiguiser mon ambition, monter toujours plus haut, atteindre la plus grande satisfaction, aller au fond de soi, ne rien regretter, de monter les marches les unes après les autres jusqu'au sommet. Trop longtemps je suis resté aéré comme une onde dans la froideur de la pénombre, avec un passé qui m'encombre. J'ai laissé gangréner la cicatrice de mon cœur, et c'est avec rigueur que j'ai avancé avec douleur. Je suis trop contenté des écoutes de la vie, à canaliser les frustrations, mes envies. Je me rappelle ces moments à pleurer sur mon sort, pour moi c'était certain, la vie me voulait du tort. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus vivre que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. De mon imagination avec des rimes sous pression, timing va sortir de son canon. J'appose mon style dans un milieu hostile, fais pas style, j'investis mon inconscient cérébral comme le prix de la Bastille. Stylo bien aiguisé sur des clichés qu'on opprime, prêt à faire bouger les choses au travers de nos rimes. L'esprit déprime quand je vois ma mine tenue en laisse. Je débarque le temps présent, se conjugue avec des rimes et des styles. Je veux plus de hip-hop à la formule cérébrale, là où les mots s'enflamment à coup le jour de verbal. Une belle conjugaison à en perdre la raison. Aucun artifice, mon rap c'est du béton. Tu trouveras qu'un rap personnel, rien de sensationnel. Ici on fait rien dans la dentelle, juste un boost de décibels. Je veux plus d'optimisme dans cette atmosphère électrique. Je saurai ce grain de sable, voir dérailler toute la mécanique. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. Doré à travers sur des chemins sans boussole, me voilà en train de jouer le mauvais rôle. Comme c'est drôle que la monotonie s'affole et que l'envie de vaincre s'endort au fond d'une bouteille d'alcool. Changer de stratégie, montrer qu'on a la gagne, montrer qu'on a la rage, prêt à gravir les montagnes. Toujours prêt à faire, fini le rang de derrière. Je sais ce que je suis, ils sont tous ce que je veux être. Départ pour me contrôler la chose, car ici rien n'est rose. Alors j'impose ma prose, derrière le marque je propose. Telle une dose à la sereine, écoute ma rime va devenir aussi violente qu'un lucère si gueule. J'en marque une disque dure, actualise mes idées. Je saurai cette mise à jour, cette vie j'ai laissé périmer. Je suis le phénix qui renaît de l'instru des morts. Sa venesse coupe, toujours prêt à faire corps. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, trop bien bien étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, je remets pied à l'étrier, plus motivé que jamais. Ici c'est chaud, chaud, chaud, chaud bouillant, des flashs, des images, des souvenirs en concordance.